الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. رواه أبو داود وصححه الألباني. فهذان اليومان العظيمان هما عيد المسلمين، جعلهما الله عز وجل عقب أداء ركنين عظيمين من أركان الإسلام، وهما الصيام والحج، فكانا كالجائزة للعباد والبشرى العاجلة لمن قام بأداء العبادة. إن صلاة العيد من أعظم شعائر الإسلام، ولذلك لازم النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، وكذلك خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم والمسلمون بعده. Chers serviteurs d'Allah, d'après Anas ibn Malik radiallahu anhu, qui dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il arriva à Médine, il trouva les gens fêter deux jours dans l'année. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé: quels sont ces deux jours? Ils ont répondu: ce sont des jours, à l'époque pré-islamique, nous faisions la fête durant ces jours. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes Allah vous a changé ces deux jours par deux jours bien meilleurs, le jour du sacrifice et le jour de la rupture du jeûne, rapporté par Abu Daoud et authentifié par Al-Albani. Ces deux grands jours qui sont les deux fêtes des musulmans, Allah en a fait des moments de fête après l'accomplissement de deux piliers parmi les piliers de l'islam, qui sont le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage. Ils sont considérés comme la récompense pour les serviteurs et la bonne annonce donnée à ceux qui se sont acquittés de leur adoration. Certes, la prière de l'Eid, la prière de la fête, fait partie des plus grands emblèmes, des plus grands symboles de l'islam. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pratiqué sans jamais la délaisser. De même ont agi ainsi ces califes bien guidés qu'Allah les agrée venus après lui, ainsi que tous les musulmans venus après lui. Inna ni'amallahi alayna la tu'addu wa la tuhsa wa inna a'zama ni'amih alayna an hadana lil islam الذي أكمله الله من كل وجه فليس فيه نقصان وأتم به النعمة علينا وارتضاه لنا فلا يقبل من أحد دينا سواه كما قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال عز وجل ولا يرضى لعباده الكفر. Les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala sur nous sont nombreux, on ne peut les compter. Et parmi les meilleurs des bienfaits d'Allah sur nous, le fait qu'il nous a guidés à l'islam, cette religion noble qu'Allah tabaraka wa ta'ala a complétée sous tous ses angles. On n'y trouve aucun manquement, il n'y manque rien à cette religion parfaite et complète. Allah nous a comblés de ses bienfaits, il a agréé cette religion pour nous, l'islam, comme la religion agréée d'Allah tabaraka wa ta'ala, et il n'accepte aucune religion en dehors d'elle. Allah, élevé soit-il, nous dit dans le sens du verset « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, je vous ai comblé de mes bienfaits et j'agrée l'islam pour vous comme religion. » De même qu'Allah, élevé soit-il, nous dit dans le sens du verset « Et quiconque cherche une autre religion que l'islam, cela ne sera point accepté de lui et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. » De même qu'Allah, exalté soit-il, nous dit dans le sens du verset « Et il n'agrée pas pour ses serviteurs la mécréance. Ayyuha al-muslimun, alayna an natamassaka bil-islam ala mafhumihi as-sahih wa huwa at-tamassuk bil-kitab was-sunnah ala fahm as-salaf as-salih rahimahumullah. Hadha huwa sabil al-amn wal-aman wal-wahda wal-ijtima'. Chers musulmans, nous nous devons de nous attacher, de se cramponner à la religion de l'islam dans sa compréhension authentique. L'islam qui découle des sources, l'islam comme nous l'a été enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'islam authentique qu'on retrouve dans le livre d'Allah et dans la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec la compréhension des pieux prédécesseurs, des premières générations de l'islam. Voilà la voie qui mène vers la sûreté, vers la sécurité, vers l'unité, vers la réunion. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله اتقوا الله ربكم حق التقوى واحذروا الوقوع في الشرك بالله عز وجل فإن الشرك أعظم الذنوب ولا يغفره الله لمن مات عليه ولم يتب منه وحابطة بسببه جميع الطاعات قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Serviteur d'Allah, craignez Allah, faites preuve de piété envers Allah de la bonne manière, et méfiez-vous de tomber dans le polythéisme, d'associer à Allah Azza wa Jal, car le polythéisme est le plus énorme des péchés, le plus grave des péchés, que Allah tabaraka wa ta'ala ne pardonne pas pour celui qui meurt dessus sans s'être repenti. Et toutes ses œuvres, celui qui commet et qui tombe dans le polythéisme majeur, toutes ses œuvres viennent à tomber. Allah nous dit dans le Coran, dans le sens du verset, certes, le polythéisme est une énorme injustice. De même qu'Allah nous dit, dans le sens du verset, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe, mais en dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Allah, exalté soit-il, nous dit aussi, dans le sens du verset, certes, celui qui associe à Allah, Allah lui interdit l'entrée au paradis. Il aura pour demeure le feu de l'enfer et les injustes n'auront personne pour les secourir. Ibad Allah, ihzaru al-wuqu'a fi al-bid'a wal-ihdath fi al-din. Fa inna al-bid'a min al-muharramat al-shadida wal-sayyi'at al-khatira. Faqad kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yuhadhdhiru minha في مجامع الناس. يقول عليه الصلاة والسلام: أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Serviteur d'Allah, méfiez-vous de tomber dans les innovations et toute nouveauté dans la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prévenait et mettait en garde contre les innovations lors des assemblées, lorsqu'il était avec ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Il dit alayhi salatu wa sallam, après ceci, la meilleure parole, c'est la parole d'Allah. Le meilleur chemin, c'est le chemin de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les pires des choses sont les nouveautés dans la religion. Et toute nouveauté dans la religion est une innovation. Toute innovation est un égarement. Et tout égarement mène dans le feu de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Ibad Allah, inna al-eid min ajmal al-mazahir allati imtanna Allah biha ala ibadih. Fahrisu fihi ala safa'i an-nufus wa tasfiyatiha min ad-dagha'in wash-shahna'. وكونوا فيه من أهل العفو والصفح والتجاوز. دعوا الخصومات والنزاعات واجتنبوا الفرقة وأسبابها. أظهروا الألفة والتآلف. Serviteur d'Allah, la fête du Eid fait partie des meilleurs symboles de l'islam, de ce qu'on peut faire apparaître comme bien de l'islam qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a honorés avec. Faites en sorte d'avoir des cœurs apaisés, des cœurs purs, des cœurs nettoyés de toute rancœur, de toute haine, de toute mauvaise action. Soyez aux serviteurs d'Allah parmi les gens qui savent pardonner, qui savent baisser le regard sur ce que font ou disent les gens. Délaissez les disputes, les discordes, délaissez la scission et la division et tout ce qui amène à cela. Faites apparaître l'unité entre vous. Ibad Allah, inna al-udhiyya min a'zami sha'a'ir al-islam wa lam ya'ti 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu taraka al-udhiyya qat fala yanbaghi li musirin tarkaha. Wal-udhiyya تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم الضأن والمعز. وأن تكون سليمة من العيوب وأن تذبح بعد صلاة العيد ويمتد وقتها وقت ذبحها إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. Serviteur d'Allah, le sacrifice durant cette fête fait partie des plus grands symboles et emblèmes de l'islam. Jamais il n'a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissé ce rituel. Donc il ne convient pas à celui qui en a les moyens et la capacité de la délaisser. Le sacrifice se fait sur les animaux qui sont les bestiaux, parmi les chameaux, les dromadaires, les vaches et les bœufs, et aussi les ovins, qui sont les chèvres, et les moutons et les agneaux. Il faut que ces bestiaux soient sains de tout défaut flagrant. Et il faut aussi que l'animal soit sacrifié, abattu, après la prière de l'Eid. Et son heure, l'heure légiférée de l'abattage, il continue jusqu'au coucher du soleil du dernier jour des jours de Tashriq, c'est-à-dire le 13e jour de Dhul Hijjah, mercredi. Aujourd'hui, on est dimanche, le jour de l'Eid, le 10 de Dhul Hijjah. Lundi, mardi, mercredi, ces trois jours sont les trois jours de Tashriq qui font partie de la fête. Il y a quatre jours de fête, le 10, le 11, le 12 et le 13. Jusqu'à mercredi, au coucher du soleil, c'est l'horaire où il y a la permission d'accomplir le sacrifice. Ibad Allah, innahu yushra'u ba'dahu an tukabbiru Allah azza wa jal qa'ilin Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi alhamd. Serviteur d'Allah, il est légiféré, il est recommandé durant ces jours de proclamer la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala en répétant cette formule que vous venez d'entendre. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi alhamd. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتب علينا إنك التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تقربنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عيدكم مبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وغفر الله لنا ولكم.